reprises pendant qu'on... Ou, si vous voulez, vous lisez le chapitre qu'on est tenté d'un semaine à l'autre, vous lisez le chapitre et ça vous prépare pour les autres fois, vous allez vous en venir pour écouter cela. La première fois que j'ai étudié le livre, j'étais instruit, comme la plupart d'entre vous dans nos églises, vous avez été dans des églises, vous autres, et on vous a dit des choses sur le retour du Seigneur, peu importe qui vous enseignait, mais quelqu'un vous a dit des choses sur le retour du Seigneur, soit par Thibault, ou peut-être vous avez été dans une église qui a déjà tout enseigné le livre de l'Apocalypse. Avez-vous déjà vécu ça quelque part dans une église? Tout le livre de l'Apocalypse, ok, juste une. Richard, tu l'as fait quand j'étais à Val-d'Or, j'étais plus jeune un petit peu, donc on l'a fait à Val-d'Or une fois. Donc, ce qu'on va faire, on va essayer de regarder dans un ensemble. Et souvent, on a vu des petits bouts qu'on nous a dit. Mais quand moi, je me suis assis pour l'enseigner, la première fois, c'était à l'église de Val-d'Or que j'ai fait ça, ça a changé certaines idées par rapport à ce que je croyais. Parce que tout d'un coup, là, je regardais le livre dans son ensemble. Tout d'un coup, ce n'était pas quelque chose que j'entendais, c'était quelque chose que je devais enseigner. Et quand tu enseignes, c'est un petit peu différent que quand tu reçois, parce que là, ce que tu le dises, pourquoi tu dis ça? Où est-ce que tu as pris ça? Il faut que tu répondes aux questions des gens après. Ouais, mais François, il y a tel verset qui dit ça. Mais toi, tu as dit le contraire, maintenant, il semblerait. Là, de regarder, de comparer les différents textes, et ça va nous aider à mieux comprendre. Il y a une dizaine d'années, quand, plus que ça, ça fait quasiment une quinzaine d'années maintenant, un hiver, j'étais à Victoriaville et j'enseignais pas. C'était un hiver que j'avais pas d'enseignement à faire à l'église de Victoriaville. On était quatre pasteurs, il y avait un autre pasteur qui faisait l'enseignement. Et j'étais dans un temps de ma vie spirituelle qui n'était pas évidente, et je me posais des questions spirituellement. Et quand on me pose des questions spirituellement, c'est jamais des petites questions, si on doit prendre du vin ou du jus de raisin, c'est Dieu existe-t-il, c'est-tu vrai ou pas vrai? Parce que c'est des questions un peu fondamentales, c'est-tu vrai ce qu'on croit? Ça fonctionne-tu ce qu'on croit? Où est-ce qu'on s'en va avec ce qu'on croit? Et je m'interrogeais là-dessus. Donc c'était pour moi une remise en question spirituelle, et... J'ai eu à cœur, je pense que c'est l'Esprit de Dieu qui m'a poussé à faire cela. Je me suis mis à lire le livre d'Apocalypse chez nous, tout seul. Et je me suis mis à prendre un chapitre que je lisais chez nous. Et ensuite, je prenais une feuille 8,5 par 11, comme ça, lignée. Et je m'assisais, je fermais la Bible, je disais, qu'est-ce qui m'encourage dans ce chapitre-là à continuer la vie chrétienne? Pourquoi est-ce que je continuerais? Pourquoi est-ce que j'allais de l'avant? Pourquoi je continuerais à être tourmenté ou à avoir des problèmes avec ma famille, ou avec ma parenté qui nous rejetait, nous persécutait? Pourquoi je continuerais tout cela? Pourquoi je ne retournerais pas à ma vie que je faisais avant, sur ma petite terre, à Saint-Rémy, puis de faire la vie que je voudrais? Et là, j'écrivais une page. J'écrivais, parce que, ma sainte Dieu a dit ça, Dieu a dit ça. J'écrivais une page, chaque matin. Le lendemain, je faisais le chapitre 2, la même question, je faisais une autre page, juste les écrits qui me venaient par la tête. Pourquoi je continuerais? Et quand j'ai fini de faire les 22 chapitres, j'avais 22 pages, bien entendu, d'écrit. Et vous savez que ce qui est arrivé, j'étais encore ici, fait que ça a fait son effet, ça m'a motivé à continuer. Ça m'a motivé à aller de l'avant. Et je me suis dit, si jamais un jour j'enseigne sur le livre de l'Apocalypse, c'est ça que je vais faire. Je vais enseigner ça de la même méthode que je l'avais faite moi-même, ou à peu près. Parce que je crois que les chrétiens ont besoin d'être encouragés, ont besoin d'être stimulés, d'aller de l'avant. Et le livre a été écrit à des gens qui se posaient la même question. Le livre n'a pas été écrit pour qu'on découvre c'était quoi le chiffre 666. J'ai déjà eu des livres, ça dépend là-dessus. C'est quoi la Bible? Là, on a ça, toutes sortes d'affaires. La carte de crédit. Là, on est là, dernièrement, c'est la puce. Ou le tout ce coup, c'était le code barre. Tu sais, les codes barres qu'on a sur les produits, là. Il y a des 6 là-dessus, hein. Là, c'était ça, la marque de la bête. Il y en a qui n'achetaient plus rien. Il y a des chrétiens qui n'achetaient plus rien qui avaient un code barre dessus. Comme les cartes de crédit ont sorti, il y a des chrétiens qui ne voulaient pas prendre de carte de crédit parce que sur la petite bande noire, vous savez ce qu'il y a là, hein? C'est votre pedigree, c'est toute votre vie qui est là, cette petite bande noire. Ils savent où vous restez, votre adresse, toutes vos vacances, vos comptes de caisse, ils savent tout ça. Vos comptes. Tu marqué ça? Ah, c'est la marque de la bête, on ne prend pas ça. Mais là, ils ne voulaient pas prendre ça. Là, ça, c'est la puce qu'ils appellent. Ils ont des petites puces, une petite affaire tout petit, ils mettent ça en dessous de la peau. Il y a certaines villes qui le font déjà. Il y en a au Canada, il y en a aux États-Unis. Là, tu passes au magasin, tu passes ta main sur le rouge, là, puis là, ils te mettent ça dans le front ou sur la main. Comme c'est marqué dans la Bible, hein? Puis là, il y a les chrétiens, ah, on ne prendra jamais ça. Faites-vous en pas. Quand les chrétiens vont avoir faim, ils vont en mettre la petite affaire en fond dans sa peau. Parce que si tu ne peux plus acheter pour avoir cette petite puce, il faut bien falloir que tu manges. Hein? Je ne vais pas enseigner pour qu'on essaie de découvrir c'est quoi cette marque-là. Ou là, qui a essayé de découvrir c'est quand ça va arriver. Alors, je me souviens, vous avez vu, à un moment donné, il y avait un chrétien qui était arrivé, puis c'était en 1990. Parce qu'il y avait eu un psaume, c'était le psaume 90, puis là, ça, il y avait des affaires là-dedans. C'était en 90 que ça se passerait. Ouais, mais en tout cas, on est rendu en 2004, 14 ans plus tard. Il ne faut pas essayer de découvrir la date. Jésus a dit, personne ne sait. Personne ne sait quand il va revenir. On a des signes qui nous disent que ça s'en vient, mais les signes, nous, 3 ans, c'est long. Pour Dieu, 3 000 ans, c'est pas long. Fait que, en chaque signe, il ne nous dit pas comment est-ce qu'il va y avoir de temps. Je vois un signe, ensemble, ça s'en vient. Martin Luther était au 15e siècle, il disait, on ne mourra pas! Le Seigneur va revenir avant. On est 500 ans plus tard. L'apôtre Paul disait, nous qui serons là pour le retour du Seigneur, on est 2000 ans plus tard. Essayons pas de découvrir la date. Ce n'est pas nécessaire. Je crois que ça a été écrit personnellement, je crois que ça a été écrit pour motiver tous les chrétiens de tous les temps, jusqu'à temps que Jésus revienne. C'était fait exprès pour que tout le monde qui le lise croit que c'est dans son temps que ça va se produire. Tout le monde pense que ça va venir bientôt. Ah, oh, on est rendu, on est presque. Ah, oh, il y en a qui disent, prêtre, oh, Seigneur, tente pas, on ne peut pas plus que 5 ans. Ah, oh, il va revenir bientôt, c'est bientôt. Ça ne peut pas aller plus mal. Tout le monde pense que si on est proche de la fin. Et quand on est proche de la fin, c'est stimulant. Hein? On est encouragé. Ça finit demain. Donc on continue. Pas pour lâcher quand ça finit demain. Donc, c'est stimulant dans ce sens-là. Donc, ce qu'on va faire, on va garder le livre et dire, comment je peux être encouragé à continuer, peu importe ce qui arrive. Parce qu'il va nous arriver des affaires dans notre vie. Peut-être que je dis, ben, moi, présentement, ça va bien. Oui, c'est beau. Mais quand ça n'ira pas si bien, tu pourras te souvenir de ces choses-là. Une fois, j'ai rencontré un pasteur qui était venu des années, je pense, des années 80, 85 au Québec. Ici. Il venait de la Russie. Il venait de la Russie. Et en Russie, il était persécuté très fort pour leur foi. Et lui avait été changé, pasteur russe, là-bas, dans la prison, contre un espion russe aux États-Unis qui a été changé. Un échange politique. C'est comme ça que c'est ramassé aux États-Unis. Ça, c'est de la prison à cause de ça. Et quand il était rendu ici, il a commencé à partager dans les différentes églises aux États-Unis, au Canada, ce qu'il vivait en tant que chrétien là-bas. Et en prison, des fois, il se ramassait 15, 20, 30 dans la même cellule. Et savez-vous qu'est-ce qu'il faisait? Il lisait le livre d'Apocalypse. On s'encourageait à continuer. Même si c'était mangé par les rats, même si c'était battu, même si les femmes étaient mortes, même si les enfants étaient en pourriture, même si tout allait mal. Il continue à lire le livre d'Apocalypse afin de se garder dans la foi et de continuer malgré tout jusqu'à temps que Jésus vienne chercher. Savez-vous, il s'amuse à pas se signer sur les dons, hein, comme les belles églises peuvent faire. Il était passé cette date-là. Il souffrait pour le Seigneur, puis tout ce qu'il disait, désirait, c'est que le Seigneur puisse revenir. Donc, il y a des moments dans notre vie, peut-être, on vivra ça. Peut-être que vous allez être persécuté, peut-être que vous allez être rejeté, peut-être que vous allez être une chose qui va arriver dans votre vie. Et même des fois, ça peut être aussi juste dans nos églises, ça va mal, des divisions, des chicanes. Mais il faut continuer. Et le contexte de ce livre-là, il ne faut pas l'oublier tout au long, souvenez-vous ça. L'église qui reçoit l'Apocalypse, c'est ça qu'il faut se poser. L'église qui l'a reçue, la première, l'église en Asie, les 7 églises d'Asie, qu'est-ce qu'ils vivaient eux autres? Pourquoi Jésus leur a écrit ça à ce moment-là? Pourquoi ils ont envoyé cette lettre-là? On va voir, mais qu'on église, on étudie les 7 églises, on va voir qu'est-ce qu'ils vivaient les églises. Mais on peut le résumer, c'était une église qui était en difficulté spirituelle, moralement en difficulté, il était persécuté très fort. C'était écrit dans les années 90, on pense, Apocalypse, et des années 90, quand on étudie l'histoire de l'église, 90 à 105, c'était les 15 années que l'église a été le plus persécutée par Néron. C'est dans ces temps-là qu'on mettait les chrétiens, on les entourait d'une peau de cochon, on les mettait à cocher après un poteau, on mettait le feu après pour éclairer la ville de Rome. C'était pas évident d'être chrétien dans ce temps-là. Tu n'allais pas à l'église en sifflet. Tu te vois chiant un petit peu. Parce que tu peux te ramasser dans l'arène, tu peux manger par les lions la semaine d'ensuite. Et c'est comme ça que ça se faisait. Fait que eux autres, ils vivaient une très forte persécution. Il y avait beaucoup de misère. On va voir ça dans Et puis il y avait beaucoup de disciples avec la doctrine. Il dit, vous avez parmi vous des Balaam, vous avez parmi vous des Nicolaïtes. Il y avait d'entre vous qui sont... Vous pensez que vous êtes vivants. Moi, je vous dis, vous êtes une gang de morts. Et my friend, c'est Jésus qui dit ça, là. Il dit à l'église, il dit, vous êtes toutes morts. Vous pensez que vous êtes vivants, vous êtes toutes morts. Il parlait pas physique, parce qu'il était tout de vivants. Il parlait quoi? Spirituellement. Là, l'église qui fonctionnait, il pensait qu'il était tout de vivants. Jésus leur dit, vous êtes morts. Si, paix. Que le pasteur le dise, c'est une affaire, mais que Jésus le dise, c'est une autre affaire. Lui, il ne se trompe pas. Fait qu'on va voir ça. Pourquoi il dit ça à cette église-là? T'es mort. Ça va pas, hein? Ça donne un choc, ce dimanche matin, que il me semble voir arriver le gars, là. Tu sais, le messager qui arrive dans l'église, il me semble, je ne me souviens pas quelle église qu'il dit, on va le voir. Ça, puis, il lit ça, là. Jésus vient nous dire, et vous dit à tous les autres ce matin, vous êtes morts. Ma femme, ça a dû faire toute une histoire dans l'église. Wow, wow, wow! Moi, je sentais qu'il y a une gang, oh, ça doit pas venir de Jésus, ça. Oh, non, ça doit être Joe Blow qui a écrit ça, cette lettre-là. C'est pas vrai. Il y en a certains qui ont pensé ça. Mais il faut penser ça. Une église qui souffre, une église qui a des problèmes, et la grande difficulté. C'est nous, qu'est-ce qu'ils ont dit quand vous êtes au Nouveau Testament? Dans les prières de Thessaloniciens et d'autres. Le Seigneur est venu, peut-être on l'a manqué. Il y en a qui disaient dans la personne, c'est ça, est venu, puis il est possédé. Il y en a qui disaient, ah, oh, la résurrection n'a plus lieu dans la connexion, on l'a vu ce matin. Oh. Puis plus vous en donnez dans toutes les épîtres, tout le monde remet la question, Jésus, ça est revenu pour le manquer? Pourquoi? Dans l'épître, ils disent, qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui sont morts? Puis Jésus n'est pas revenu encore. C'est venu qu'il y en a qui ont dit ça dans l'épître. Il y en a, nos frères, nos soeurs, ils commencent à mourir, puis Jésus n'est pas revenu. Mais ce matin, qu'est-ce qui arriverait? Parce que ça, ils pensaient que Jésus serait revenu bien avant ça. Qu'est-ce qui va arriver avec ceux qui sont morts? Le seul Paul, il dit quoi? Ils vont ressusciter, puis ils vont monter avec tout le monde, ils vont monter ensemble. Mais là, ils se demandaient, ceux-là sont finis, c'est peut-être que c'était pas des chrétiens, on ne sait pas, ils sont morts, le Seigneur n'est pas revenu encore. Donc, c'est une église qui souffre, c'est une église qui se pose des questions. On a-tu cru à mon affaire? Jésus dit, il a établi son royaume, il est supposé nous faire régner avec lui, puis là, tout ce qui arrive, on se fait tuer. On se fait mourir, toutes nos familles se font mourir, nos pères sont en prison, nos parents se sont fait manger par les lions. Qu'est-ce qui arrive? On s'est-tu trompé? As-tu manqué? On n'a-tu pas compris comme il faut? Aujourd'hui, on a bien moins que ça. Quand ça va mal, il y en a qui viennent nous voir et vous disent que vous n'avez pas de foi. Tu n'es pas béni parce que tu ne fonctionnes pas bien. Ça va pas être moins pire, ça. Hein? Tu ne fonctionnes pas bien. Ah, ben, parce que probablement, tu n'es pas béni parce que tu as décroché ta vie. Même toi, non, c'est pas mal moins pire que les lions qui te mangent, puis Néron qui veut te tuer, toutes les fois que tu sors de la maison. Ça veut remettre en question. Et là, il faut arrêter pour aller dans la Bible et dire, hey, minute, qu'est-ce que le Seigneur Jésus a dit? Qu'est-ce qui va me donner la capacité, le courage, la patience, la persévérance de continuer jusqu'à temps qu'ils viennent me chercher ou qu'ils viennent nous chercher? L'important, ce n'est pas de commencer la course, c'est de la finir. Alors, vous regardez les Olympiques? Tous ceux qui ne finissaient pas la course, peu importe dans laquelle ils étaient, il n'y avait jamais de couronne. Juste ceux qui finissaient la course, qui avaient la couronne. Le Seigneur dit, si tu persévères jusqu'à la fin, tu seras sauvé. Si tu lâches, Là, je ne dis pas si tu arrêtes à l'église dimanche matin, c'est pour ça que je parle. Si tu lâches la foi, si tu abandonnes l'Évangile, si tu rejettes Jésus parce que tu es découragé. Moi, il y avait un homme qui m'a dit ça une fois, un chrétien, un vieux chrétien, il fonctionne encore aujourd'hui. Mais il m'avait dit ce matin-là, il dit, François, ça fait 2000 ans, ça fait longtemps. Il n'est pas revenu, ça fait 2000 ans. Ça se peut-tu qu'on s'est trompé? Tout ça, les chrétiens, des fois, se posent des questions. Donc, on va voir ça ensemble. Donc, on était à la fin du premier siècle. On était à peu près à l'année 96 après Jésus. Et l'Église est dans un état très, très difficile. Je vais vous résumer ça par phrase. Ça, c'est l'Église. Imaginez-vous l'Église qui reçoit l'Apocalypse. Jésus leur dit, « Tu as perdu ton premier amour. » Elle a souffert, mais elle a peur de souffrir encore. Il dit ça à une autre église. Tu as peur de souffrir, mais tu vas souffrir encore. Il dit, elle est persévérante, mais elle a des Balaam dans son sein. Des Balaam, c'était des gens, ça, qui faisaient la religion pour l'argent. Hein? Il dit, je vais aller bénir le peuple, mais comment tu vas me donner de l'argent, là, le roi, là? Et une autre église, il dit, ah, tu es très actif, tu fonctionnes bien, mais il y a des Jézabel dans ton sein. Jézabel, il dit, il y a même d'entre vous qui des gens qui croient à la doctrine du diable. Jézabel était une prophétesse qui adorait les Astartés. Il y avait ça dans l'Église. Il dit, elle a une apparence de spiritualité, mais elle est morte. Elle travaille, mais elle a peu de puissance. Elle est riche. Mais il dit, tu es tiède, et à cause que tu es tiède, je te vomir de ma bouche. Toute une église qui reçoit l'Apocalypse. Toute une église qui reçoit ça. Mais le Seigneur ne veut pas les décourager. Il veut plutôt les encourager à continuer. Aller de l'avant. Donc, quel est le but du livre? Pour comprendre un livre, il faut connaître le but. Quel est le but? Jésus va dire aux sept églises quelque chose. À la fin de la lettre, il va toujours dire la même chose. Il y a un but avec l'Apocalypse. Qui veut lire les versets? Apocalypse 2, 5. C'est quoi le but ici? Repens-toi, hein? Repens-toi, deux fois. Repens-toi, repens-toi. Apocalypse 2, 16. Un autre qui veut lire? Donc, il dit quoi? Repens-toi. Encore une fois, c'est à l'autre église, ça, c'est la deuxième. Repens-toi, parce que je vais venir avec mon épée, puis je vais te combattre, toi. Et même toi, le Seigneur va combattre le monde avec son épée. Mais là, il dit à l'église, si tu ne te repens pas, moi, je vais te combattre avec mon épée. C'est un avertissement qui est sérieux, un petit peu, quand on pense à ça. Là, tu te demandes, mais qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi il dit ça? Moi, les premiers temps, j'avais un chien, quand je disais ça. Il disait, tu, il s'adresse-tu à moi, là? C'est à moi qu'il dit ça. Faut-tu que je me repente de quelque chose? Je ne comprenais pas. Apocalypse 2, 21. Voilà, encore une fois, il dit, il faut que tu te repentes. Si tu continues à faire des choses avec elle, je pense que c'est Jézabel qui parle, si tu continues à tripoter avec Jézabel, Jézabel était mort ça fait longtemps, mais c'est un symbole, hein? Si tu continues à tripoter avec les fausses doctrines, avec tout travers, à vouloir me laisser tomber pour d'autres choses, mais il dit, si tu ne te repens pas, moi je vais venir et ça va mal aller. Apocalypse 3, 3. Donc, encore une fois, il dit, repens-toi. À chaque église, il dit ça, repens-toi, repens-toi. Si tu ne viens pas, et ce qu'il dit qu'il va faire, ce n'est pas facile. Il dit, je vais t'enlever ton chandelier, je vais te combattre avec mon épée, je vais te traiter comme je vais traiter Jézabel. Il dit, repens-toi, parce que si je vais venir comme un voleur, et ce ne sera pas facile. Ce n'est pas évident. Apocalypse 3, 19, qu'est-ce qu'il dit ensuite, hein? Donc, il dit, repens-toi, repens-toi, repens-toi. Donc, il appelle l'Église de qui était existante dans ce temps-là, l'Église d'Asie, les sept églises qui étaient là, il les appelle à se repentir. On va essayer de voir ensemble qu'est-ce qu'il veut dire par ça. Est-ce que ça s'adresse à nous aussi? Et si ça s'adresse à nous, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Parce qu'on dit que c'est pour nous autres que l'Apocalypse a été écrit, il n'a pas été écrit juste pour eux autres. Si c'est ça, ben, coupons-les dans notre Bible, c'est en poubelle, c'est pour nous autres, c'est pour eux autres. Mais ça s'adresse à nous autres aussi. Donc, qu'est-ce qu'il veut nous dire, Seigneur, en nous disant ça? Et la deuxième raison, c'est qu'il se repent et qu'il persévère. Mais une persévérance authentique, une vraie persévérance. Parce que, il y a des, comme on a vu tout à l'heure, il parle à des églises. Mais il y a des églises qui sont mortes, des églises qui sont tièdes, des églises qui ne fonctionnent pas du tout. Donc, il dit, oh, oui, tu continues à jouer à l'église, mais tu ne fonctionnes plus. T'es mort. Il y a plein d'églises qui fonctionnent. John MacArthur, il disait, lui, il y a des églises qu'on peut les enlever cet esprit, ils vont continuer à fonctionner pareil. On va dire, c'est une espèce de tradition. Ils font des choses par habitude. Le cœur n'est plus là. C'est juste, on va à l'église parce que c'est dimanche. Puis, voilà, on fait des petites affaires. Ou on est parent-fils. Mon père est toujours été baptiste, donc moi, tout j'y vais. Dans ce sens-là. Donc, il dit, repens-toi et persévère, mais une persévérance authentique, une vraie persévérance. D'église qui ont reçu cette lettre persévéraient, mais tous. Mais il semble que ce n'était pas la persévérance que Dieu voulait. Lisons ensemble Apocalypse 1, 9. Moi, le Seigneur, notre Père, qui est fort avec vous, à la génération et aux royaumes et à la persévérance en Jésus, j'ai fait la ville après les battements à cause de la parole de Dieu et du tout mon âme de Jésus. Donc, j'ai dit, moi, je persévère en Jésus, où ce qui était en prison sur l'île de Patmos. Patmos, c'était, comment ce qu'on appelle le film, là, il y a une prison sur une île, là, à New York, très pas loin, là. Hein? Ben, Alcatraz. C'est comme, un peu comme ça. C'était l'Alcatraz du temps. Il y avait une petite île qui avait l'île de Patmos, puis les prisonniers, on s'envoyait là, puis il n'y avait pas de nuit. Tu vivais là, mais il y avait de l'eau tout le tour. Il était sur l'île de Patmos pour le Seigneur Jésus, à cause de Jésus, à cause qu'il était chrétien, mais il dit, je persévère. Je n'ai pas lâché. Je continue en Jésus. Je continue encore en Jésus. Je ne me suis pas tourné vers Balaam. Je ne me suis pas tourné vers Jézabel. Je continue. Apocalypse 2, 2. Donc ici, il dit ça. Mais si on continue à lire, il dit, mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as perdu ton premier amour. Donc, en même temps qu'il leur dit, vous persévérez, votre doctrine est toute correcte, mais il dit, vous avez perdu votre premier amour. Qu'est-ce qu'il veut dire quand ça? J'ai entendu tellement de sermons là-dessus. Les chrétiens qui ont perdu leur premier amour. On va voir ça ensemble. Qu'est-ce qu'il veut dire par ça? Mais il dit, tu persévères. Mais si tu continues, puis tu ne te reviens pas à ton premier amour, je t'enlève ton chandelier et c'est fini pour toi. Donc, il faut faire attention, il y a de la persévérance qui est fausse, c'est dans le sens qui n'est pas réel. C'est juste une sorte de vie qu'on fait, mais qui n'est pas satisfaisante pour Jésus. Apocalypse 3, 10. Ça, c'en est un autre. C'est l'église de Thessalonique, celle-là. Il leur dit, tu as gardé la persévérance en moi, parce que tu fonctionnes. Tu fonctionnes. Tu as encore gardé. Tu as la persévérance que je veux. Certains ont de la persévérance que tu ne veux pas, mais toi, tu as une sorte de persévérance que je veux et tu le fais. 13, 10. Quelqu'un mène la persécution, il y aura la persécution. Quelqu'un qui fait les choses, il faut que tu sois dans les choses. Donc, ici, la persévérance et la foi. Encore une fois, il appelle les saints à la persévérance. Apocalypse 14, 12. Donc, voyez-vous qu'à chaque fois qu'on parle de persévérance, il y a un lien avec la foi en Jésus, les commandements de Dieu, la foi en Jésus. Garder, rester en Jésus, garder l'évangile de Jésus. Donc, on va remarquer ça, persévérance, ça va s'allier avec la foi. C'est pas persévérance avec l'Église, ou aller à l'Église, ou les réunions d'Église. C'est pas la persévérance à dire, j'ai un péché ou j'ai pas de péché dans ma vie, c'est la persévérance dans la foi. OK, il faut marquer ça. Et une autre chose qu'il veut produire, c'est l'adoration. Il dit dans Apocalypse 19, 10, « Et je tombais à ses pieds pour l'adorer, mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service et celui de tes frères qui ont le témoignage de Jésus. Adore Dieu, car le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. » Tout au long, c'est qu'il veut emmener l'Église à adorer Dieu. Tout au long. Puis Jean, quand Jean voit, parce que Jean, c'est l'apôtre Jean, il voit une vision, ce qu'on va étudier ensemble, il voit des choses dans le ciel où il entend des choses, il tombe sur sa face et il adore. Donc, ce qu'il entend le fait adorer. Ce qu'il entend, il dit, adore Dieu. Il veut tellement adorer qu'il est prêt à adorer pour tout téléphone. C'est un ange qui est là, ça ne fait pas de différence. Un poteau ou un ange, ça m'en fait. Il dit, adore-moi pas. Adore-moi pas. Adore Dieu. Donc, ce qu'on va étudier ensemble, ça devrait nous pousser à adorer Dieu. D'être émerveillé de ce que Dieu a pour nous autres dans le futur. Ça devrait nous dire, hey, mon ami, ce que Dieu a pour nous autres, c'est grand, c'est merveilleux, je veux l'adorer à cause de tout ce qu'il me dit. Je vais continuer à persévérer, je vais continuer à l'adorer parce que les vérités qu'il me montre dans ce livre-là, c'est fantastique. C'est ça que Jean voit. Jean, il regarde, puis il tombe à genoux, puis il adore. Donc, quand nous, on lit, quand vous lisez l'Apocalypse, ça devrait faire le même effet. Il y a une vision, vous la regardez, ça dit une vérité, vous devriez tout adorer Dieu et dire, mon ami, c'est grand ce qu'il va faire pour moi. Si ça ne fait pas ça, ça vous ne comprenez pas. C'est qu'on ne comprend pas que part ce qu'il est en train de nous dire. Parce que Jean, lui, quand il le recevait, il adorait. Donc, on va essayer de stimuler chacun de nous autres, les uns les autres, se stimuler à l'adoration par les vérités de l'Apocalypse. On va essayer de ne pas se chicaner, de savoir François a raison, François n'a pas raison. Si on s'ostine, c'est parce que je vais manquer mon coup. On ne devrait pas s'ostiner. On devrait adorer le Seigneur. Apocalypse 22, 9, « Mais il me dit, garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service, celui de tes frères, les prophètes, et de ceux qui gardent les paroles de ce livre, adore Dieu. » Par deux fois, il dit ça aux anges qui sont devant lui, ne m'adore pas, adore Dieu. Donc, il veut produire quoi? La repentance. Il veut produire la persévérance, une vraie persévérance authentique, une persévérance du cœur. Et il veut produire aussi l'adoration. C'est une chose qu'il veut produire avec le livre. Il ne veut pas produire autre chose que ça. Repends-toi, l'Église. Repends-toi. Persévère dans ton cœur, pas juste dans ta tête. Dans ton cœur, persévère avec moi. Dans la tête aussi, hein? Faut pas passer au côté de l'affaire. Pas juste dans ta tête, mais dans ton cœur. Et adore-moi à cause de toutes les grandes choses qui vont arriver sur toi avec le temps. Une des choses qu'on des fois on a de la misère à comprendre, l'Apocalypse, c'est qu'on a de la misère à comprendre parce qu'on ne connaît pas l'Ancien Testament. Si vous ne connaissez pas beaucoup l'Ancien Testament, ça va être difficile de comprendre l'Apocalypse. Savez-vous pourquoi? L'auteur fait 300 fois référence à l'Ancien Testament. 300 fois en 22 chapitres. Imaginez-vous combien de fois par chapitre? Il est toujours en train de parler de l'Ancien Testament. Il va parler de toutes les bébites que Daniel a vues, que Isaïe a vues. Il va parler du temps, de l'Arche de l'Alliance, des sacrificateurs, des autels, des... Il prend un langage de l'Ancien Testament. Donc, si je ne connais pas l'Ancien Testament, je lis ça. J'ai bien la misère à comprendre. De quoi est-ce qu'il parle? C'est quoi ce sacrificateur-là, l'Arche de l'Alliance, le temple? C'est quoi cette histoire-là? Je ne comprends rien. Oui, je ne comprends pas l'Ancien Testament. C'est quoi ces bébés-là à 7 têtes, pas 5 têtes, pas 2 têtes, une bête, 2 bêtes, 3 bêtes? Alléluia, non? Mais Daniel en parlait. Donc, quand les gens ont reçu l'Apocalypse, eux autres, c'était pas nouveau. Ils avaient déjà entendu ça avant. Donc, il faut faire attention parce que l'auteur parle à des gens qui connaissent un peu l'Ancien Testament. Et il dit, va employer des langages. À un moment donné, tu vois les vieux, les 24 dehors, ils ont dans leurs mains un encensoir. C'est ça pour mettre de l'encens. Là, tu les vois balancer l'encens, comme tu faisais dans l'Ancien Testament, mettre de l'encens. Ça vient de l'Ancien Testament, ça. C'est tout des langages de l'Ancien Testament. Donc, on va y faire référence de temps en temps. On va étudier l'Apocalypse, mais on va pouvoir comprendre ce que ça veut dire un petit peu là, dans l'Ancien Testament, pour pouvoir saisir ce qu'on tentait de dire dans le Nouveau Testament. Pourquoi est-ce que les chrétiens ne viennent pas aux mêmes conclusions quand ils lisent ce livre-là? Une fois, ma fille était allée étudier, Geneviève était à Québec. Son professeur lui a dit, parce qu'il enseignait le livre d'Apocalypse, puis son professeur lui a dit, si ton père sera honnête, il penserait comme nous autres. Wouhou! La petite fille Geneviève n'était pas ce genre à se laisser faire. Tu as dit qu'elle n'était pas bonne humeur à virer à dessous, là. Elle m'appelle en prévoyant, mon gars, ben, elle n'était pas bonne humeur par le prof. Moi, je n'ai pas dit que son prof était malhonnête. C'est une autre impression. Pourquoi les gens n'arrivent pas à la même façon? C'est parce qu'ils prennent différentes façons d'interpréter le livre. Certaines personnes vont dire que le livre, c'est comme des cercles. Et ça revient, hein? Ça retourne en rond comme ça. D'autres disent que c'est comme un télescope. C'est toutes les affaires l'une dans l'autre, ça s'étire. D'autres disent non, c'est plutôt chronologique. Les chapitres se suivent, puis ça marque une certaine chronologie. Les gens choisissent différentes approches. Donc, ils arrivent à différentes conclusions. Ce n'est pas une question qu'ils sont mauvaise volonté. Ce n'est pas question que tout d'un coup, ils disent « Ah, François, il n'est pas honnête parce qu'il ne gagne pas. » Non, non. C'est qu'ils partent avec une façon. D'autres vont dire « Ah, toutes ces affaires-là, il faut prendre ça d'une façon imagée. » D'autres disent « Non, il faut les prendre de façon littérale. » Donc, ce n'est pas des gens qui sont mauvais, c'est des gens qui prennent une approche différente et arrivent à des conclusions différentes. Non, il faut se respecter avec ça. Bon, on va dire, écoute, moi et François, il y a une autre chose, mais c'est parce que lui a pris une façon d'interpréter un petit peu différente de moi, donc il arrive à d'autres conclusions que moi. Vous allez voir qu'on ne s'estimera pas pareil, parce qu'on va arriver à peu près à la même chose, parce que tout le monde croit que Jésus va revenir. Si tu ne crois pas que Jésus va revenir, mais là, tu n'as foutu pas revenir. Mais tout le monde croit qu'il va revenir, mais pas tout de la même manière, pas tout au même moment, mais tout le monde va revenir. Tout le monde croit qu'on va tout ressusciter, mais on ne sait pas tout à la même place, pas quand. Donc, c'est pour ça que le plus important, c'est que tout le monde va ressusciter, les chrétiens et les non-chrétiens. Donc, moi, personnellement, pour vous compreniez, j'ai pris le livre d'une façon le plus littérale possible et je l'ai lu d'une façon chronologique. Pour moi, le chapitre 4, il arrive avant le chapitre 7, c'est fini. Il y a une chronologie, là. Ça se suit, ça. Donc, je l'ai pris comme ça, moi. Chronologiquement et le plus littéral possible. pour avoir une interprétation qui, selon moi, fait le plus de sens. Selon moi. Et si vous avez d'autres interprétations, c'est correct. Je vous dis, vous pouvez me partager si vous voulez venir chez nous, qu'on en jase. Je suis bien ouvert à dire français, mais je ne vois pas de même. Voici ce que je vois. Et ça va peut-être me faire voir autre chose. Ce matin, on va lire du verset 1 à 3. Apocalypse 1 à 3. Quelqu'un veut lire ça? Oh, il y a aussi, t'as déjà mis. Donc, la première chose qu'on voit là-dedans, c'est un livre de révélation. Quand vous entendez le mot révélation, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des choses que l'être humain n'aura pas pu savoir autrement. Tu vas pouvoir voir ça dans le journal, tu ne vas pas aller voir ta tireuse de bonne aventure, tu ne vas pas lire l'horoscope dans le Montréal Matin, tu ne vas pas aller dans l'Internet pour essayer de trouver ça. La seule place que ça pourrait, une révélation vient, elle vient toujours d'en haut de Dieu. Une révélation, c'est quelque chose que l'homme ne pouvait pas savoir par lui-même ou par d'autres hommes. Il fallait que ça vienne de Dieu. C'est Dieu, il faut qu'il le dise. Quand vous employez le mot révélé, Dieu m'a révélé, vous ne pouvez pas dire ça en tant que chrétien. La révélation est terminée avec la Bible. Donc Dieu a révélé à Jean la fin des temps. Donc Dieu lui a dit à Jean, voici comment ça va finir. Jean n'aurait jamais pu découvrir ça en méditant, en pensant, en réfléchissant. Il n'aurait pas pu non plus découvrir en lisant Daniel. Daniel donnait des idées, des façons de voir qui n'étaient pas contradictoires, mais il n'en disait pas autant. Okay? Même Pierre, Paul, sont morts, puis ils n'ont jamais lu l'Apocalypse. Parce que Jean était le dernier vivant parmi les apôtres. Fait que la plupart des apôtres sont tous morts sans jamais avoir lu l'Apocalypse. Malgré qu'Apocalypse ne contredit jamais ce que Pierre a écrit, jamais ce que Paul a écrit, jamais ce que les autres apôtres ont écrit. Mais il en a dit beaucoup plus. C'était une révélation. Il a dit des choses que les gens n'avaient jamais entendues avant. Je me souviens une fois, je travaillais dans un kiosque sur un terrain d'exposition. J'avais passé devant un kiosque qui s'est la bonne aventure. La madame m'a dit, il nous appelait pour qu'on rentre. On a dit, non, je connais l'avenir, moi. Hein? J'ai dit, dans la Bible, c'est marqué, le Bible d'Apocalypse, c'est l'avenir, ça. C'est tout marqué dedans ce qui va nous arriver. On dit, oh, c'est correct. Elle ne voulait pas vraiment entrer en argument avec moi là-dessus. Mais c'est Dieu qui révèle. C'est Dieu qui révèle. C'est pas Paul, ou c'est pas Jean. C'est Dieu qui a révélé à Jean. Non, c'est Dieu, on va voir par Dieu. Pour manquer, c'est marqué Dieu à Jésus. Hein, vous avez ça dans le verset? Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donné. Dieu a donné à Jésus une révélation, des choses qu'il ne savait pas. C'est dur pour nous de comprendre parce que Jésus est Dieu. Hein? Mais c'est une révélation que Dieu a donnée à Jésus et que Jésus a donnée à Jean. Et Jean l'a donnée à... Jésus l'a donnée à qui avant? À son ange. Et l'ange l'a donnée à Jean. Donc il y a quatre intermédiaires. Dieu l'a donnée à Jésus, Jésus l'a donnée à Jean et Jean l'a donnée à... Non, excusez. Jésus l'a donné à l'ange et l'ange l'a donné à Jean. Bon, mais Jean l'a donné à François. Bon, OK, c'est correct, on arrive. Là, on l'a eu, nous, toute la gang. Et Jean nous l'a donné. Mais il y a eu beaucoup d'intermédiaires entre les deux. Mais c'est une révélation. Vous ne pouvez pas vous obstiner avec une révélation. Vous ne pouvez pas argumenter avec une révélation. Dieu a dit. Dieu a parlé. Dieu a parlé par sa parole qui est Jésus. Pourquoi est-ce que Dieu pouvait parler? Jésus est le seul qui connaît l'avenir. J'ai déjà dit une fois, il me semble que j'ai déjà dit ici aussi, on ne peut jamais faire de promesses nous autres. Hein? Pourquoi? On ne les tiendra pas. Pourquoi? Il y a trop de choses qui vont arriver qui est contre notre contrôle. Je peux vous dire demain, je vais aller chez vous, James? Il y a mille choses qui peuvent arriver. On va y aller cette semaine. Il y a mille choses qui vont arriver. Qui peuvent arriver qui nous empêchent que ça s'accomplisse. Je peux tomber malade, je peux tomber mort, je peux tomber sur le front dans ma chambre de bain. Je peux prendre une fouille en bicycle, je peux tomber en bas des marches. N'importe quoi peut arriver. N'importe quoi peut arriver. Et j'aurais bien voulu, mais je ne peux pas. Dieu lui connaît la fin avant le commencement. Puis jamais personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Quand Dieu dit « je promets quelque chose » ou « je vais faire quelque chose », il a déjà vu s'accomplir dans sa tête. Ça ne peut pas arriver. C'est déjà arrivé dans sa tête. C'est pas qu'il va dire plus loin. Pour lui, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans comme un jour. Ça n'existe pas pour lui le temps. Ça marche, ça fonctionne. Donc, pour Dieu, Dieu fait des arrêts, Dieu fait des prédictions, et Dieu les exécute. Dieu les fait. Puis il dit dans le livre d'Ésaïe, chapitre 46 jusqu'à 50, « Personne ne peut m'empêcher de faire ce que je veux faire. » Même pas les hommes pécheurs. Même les pécheurs, quand ils font des conneries, font ce que Dieu veut. La pire chose qu'ils ont faite, c'était tuer Jésus, mais c'était bien prédit qu'il meure. Dieu avait dit, il va mourir sur une croix, un vendredi, le jour de Pâques, à 3 heures, il va mourir. Les hommes sont fourrés, ils ne veulent rien faire de Dieu, ils ne veulent pas faire ce que Dieu veut, mais ils disent Jésus à 3 heures, dans le vendredi saint, le vendredi. Ils ont fait ce que Dieu voulait pareil. Même dans leur folie pure. Personne ne peut empêcher Dieu de faire ce qu'il dit. Donc, ce que Dieu a dit dans ce livre de la Révélation, dans l'Apocalypse, personne ne peut l'empêcher de faire ce qu'il a dit qu'il était pour faire. Deuxième chose qu'il dit, le destinataire, c'est qui? Qui va recevoir ça? À qui écrit ça? Dans le chapitre, dans le verset 1, à qui l'a écrit? À ses serviteurs. Pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Donc, c'est écrit pour les... J'ai pas compris? Serviteurs, c'est qui ça? C'est les chrétiens, c'est pour les inconvertis. Ça n'a pas été écrit pour les inconvertis. Ça a été écrit pour nous autres. Je vous garantis, les inconvertis, quand ils lisent ça, ils se mettent en dessous de dos, ils trouvent que ça ne marche pas, ça n'a pas de sens, c'est fou raide. Ils ne comprennent pas. Parce que ça n'a pas été écrit pour les autres. Ça a été écrit pour nous autres, pour l'Église, afin qu'on se repente, qu'on persévère et qu'on adore notre Dieu. Ça n'a pas été écrit pour les inconvertis. Faites pas attention. Si vous dites aux inconvertis des choses, ou vous voulez dire, vous lire l'Apocalypse, faites attention quand vous dites ça. Je ne vous dis pas de ne pas le dire. Mais ça n'a pas été écrit pour les autres. Ça a été écrit pour. Nous autres, pour les chrétiens. D'abord, toute la Bible est écrite pour les chrétiens. Ça peut être écrit pour les inconvertis. C'est écrit pour nous autres, la Bible. On n'est pas toujours facile de la comprendre en tant que chrétien. Avec un inconverti à ce temps, on n'est pas toujours évident non plus de comprendre. J'ai vu bien les inconvertis prendre la Bible et la lire un petit peu, de mettre dans les tahaïs, puis on comprend rien. Trop dur à comprendre, tout écrit en parabole, on ne comprend rien. J'ai vu quand même, Dieu. Parce que ce n'est pas écrit pour eux autres. C'est écrit pour nous autres qui avaient l'Esprit de Dieu pour la comprendre. Sans ça, on ne peut pas la comprendre. Donc, c'est écrit à ses serviteurs. Donc, ça peut être écrit à des spectateurs, c'est écrit à ses serviteurs. Ses compagnons, on les appelle ses serviteurs, ses compagnons de service, on les appelle aussi les prophètes, on les appelle les saints, on les appelle à d'autres places, je tourne mes pages, là. On les appelle ceux qui craignent Dieu, ceux qui observent les commandements de Dieu. C'est tous des noms qu'on donne aux chrétiens, ça. Ceux qui observent ses commandements, ou gardent les commandements, ceux qui gardent sa parole, ceux qui gardent les principes, ceux qui gardent la révélation, ceux qui craignent Dieu, ceux qui sont des saints, ceux qui sont des prophètes, ceux qui sont des serviteurs, ceux qui sont des compagnons d'œuvre, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans l'œuvre de Dieu. C'est à eux autres que ça a été écrit, pour les encourager. Donc, c'est à nous autres. Le contenu, de quoi ça parle? Il dit au verset 1, qu'est-ce qu'il dit? Il dit à ses serviteurs ces choses qui vont arriver bientôt. Donc, ça parle du futur. Ça parle du futur. L'Apocalypse, c'est un livre qui nous parle des choses qui vont arriver plus tard. Plus tard. Donc, pour nous autres, c'est plus tard. Peu importe qui le lit, c'est plus tard. Si ce n'est pas arrivé, c'est encore plus tard. Ce n'est pas arrivé encore. Ça va arriver plus tard. Donc, les chrétiens qui l'ont lu, espérait que ça arriverait dans leur temps. Nous qui la lisons, nous espérons que ça va arriver dans notre temps, mais c'est plus tard. Si c'est déjà accompli, à cause que c'est plus un livre comme ça, là. Parce que le mot apocalypse, savez-vous ce que ça veut dire, le mot apocalypse? Les choses de la fin. C'est ce que ça veut dire, ça. Choses de la fin. Les choses de la fin. Donc, tant que la fin n'est pas arrivée, ces choses-là ne sont pas encore arrivées. Parce que quand elles vont arriver, ça va être la fin. Non, c'est des choses futures. Donc, quand vous voulez connaître votre futur à vous, frères et sœurs, mon futur, quand je veux connaître comment ça va finir mon histoire en tant qu'Église ou en tant qu'individu, comment ça va finir? On va dans la ligne, on regarde comment ça va finir. Comment ça va finir? Et c'est en lisant ce livre-là que Dieu nous dit comment ça va finir notre histoire, à nous autres, en tant que peuple de Dieu. Oh, il y en a peut-être qui vont nous devancer. Mais ils ne vont pas rester en haut tout le temps, ils vont redescendre. Là, on va monter ensemble. Ça va se finir ensemble, cette affaire-là. On va être tous ensemble, les chrétiens. Ça va se finir ensemble. Parce que c'est pour nous autres, toute l'Église, de tous les temps, ensemble, Dieu va nous donner ce qui est marqué dans ce livre-là. Donc, les choses à venir. Et quel devrait être l'effet? Hein, au verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Ça va arriver bientôt. Bientôt, ça. Quand tu dis bientôt, James, ça veut dire combien de temps, toi? on ne va pas se louer, hein? Bientôt, c'est dans les premiers d'un jour qui s'en viennent. Bientôt, c'est bientôt. Mais Jésus a dit bientôt. 2000 ans. Mais savez-vous que le mot bientôt peut être traduit autrement? Non. Pas si loin que ça. Ça peut vouloir dire promptement. Vite, mais. Aussitôt, proche. Quand ça va commencer, là, moi, ce que je pense, ça veut dire, regardez votre idée, mais quand ça veut dire, ça veut dire, quand ça va commencer, ça va finir vite. Ça va aller vite, l'histoire. Ça ne traînera pas. Dieu va faire ça vite. Ça va être bientôt, mais ça va être dans le sens aussi rapide. Rapide. Promptement. Donc, le mot est traduit comme ça dans la Bible. Promptement, bientôt, aussitôt. C'est quelque chose qui vient, mais en même temps qui va vite. Ça va se produire comme ça. Donc, il dit bientôt, c'est le temps de la révélation. Bientôt, ça va arriver. Bientôt. Fait que si Paul a dit bientôt, si Jean a dit bientôt, si Jésus a dit bientôt, nous autres, on peut dire aussi bientôt. Donc, c'est ton propos. Ça va arriver bientôt. Maintenant, regardez bien qu'est-ce que ça va produire en nous. Qu'est-ce que ça va produire au verset 3? Hein? Qu'est-ce que ça produit? Il dit à ceux qui. Ça va les rendre heureux. Heureux. Heureux celui qui lit le livre et qui le garde. Ça veut dire qu'il le prend dans son cœur puis le garde, cette vérité-là. Il va devenir heureux. Pas heureux dans le sens que le monde l'entend. Pas heureux, pas un bonheur qui vient là, de mon char, d'une maison nouvelle ou quelque chose comme ça. C'est bien d'être heureux pour ces choses-là. Mais c'est pour ça qu'il parle ici. Vous, le mot dans le grec, c'est le mot makarios. Savez-vous ce que ça veut dire? C'est le bonheur des dieux. C'est un bonheur qui ne dépendait pas des choses de ce monde. C'est ça que le mot veut dire dans le grec. C'est le bonheur que les dieux vivaient en l'air, mais ça ne dépendait pas de ce qui se passe en bas ici. C'est un bonheur qui dépend des choses spirituelles, célestes. Il dit, si tu lis ce livre-là et tu gardes les vérités qu'il y a dedans, tu vas être heureux, même si tu es en prison, même si tu es avec les lions, même si tu es rejeté par ta famille, même si tu fais le bordel, ça ne va pas, même si c'est difficile, tu vas être heureux dans ton cœur, parce que bientôt, Jésus va venir te chercher. Puis il va te donner ce qui est écrit dans ce livre. Mais il dit, celui qui ne garde pas les paroles, je vais les détruire. Je vais les détruire. Tout ce qu'il est en train de dire à l'Église, si tu ne gardes pas persévérance, si tu ne te repens pas, tu vas avoir la même chose qui va arriver aussi dans l'Apocalypse à tous ceux qui me rejettent. Il nous met devant un choix. Il dit à l'Église, si tu gardes les paroles de ce livre que je t'envoie, et tu le gardes dans ton cœur, tu vas être heureux. Mais si tu le rejettes et que tu joins l'autre gang, okay, si tu en vas dans l'autre clé, voici ce qui va t'arriver. Là, il y a tous les fléaux de l'Apocalypse. Donc, c'est ton choix, mon alerte. Tu peux abandonner, voici ce qui va t'arriver. Ou tu peux garder la foi, voici ce qui va t'arriver. Choisis. Choisis. Puis il va nous lancer l'appel à chacun de nous autres pendant toute l'année. Il va dire, choisis, mon alerte. Choisis. Tu continues à persévérer dans la foi. Tu gardes les commandements, tu persévères avec moi et tu vas être heureux. Mais si tu m'abandonnes et tu me rejettes pour quelque chose d'autre, hein, voici ce qui va t'arriver aussi. Il met les deux. Parce que le livre est écrit aux chrétiens. C'est les chrétiens qui m'en gardent. Si tu me rejettes, même valeur. Jésus dit, celui qui me renie, je le renie aussi. Prions ensemble. Notre Père du ciel, nous sommes contents que tu nous as laissé cette révélation. Jamais on n'aurait pu savoir ces choses si tu ne les avais pas dit à ton fils à son ange, et son ange à Jean, et Jean à nous. On n'aurait pu jamais savoir. Mais tu les as dit pour nous encourager à persévérer dans la foi, et qu'on peut jouir avec toi de l'éternité et d'une relation parfaite. Parle à ton Église à Mont-Tremblant. Pendant les semaines qui vont venir, parle-nous. Parle-nous. Peu importe où ce qu'on est rendu, tu nous l'as écrit pour nous. Et tu as certainement quelque chose à nous dire à chacun de nous. Seigneur, fais que ce livre puisse produire en nous repentance, si c'est nécessaire, persévérance, si c'est nécessaire, et l'adoration, afin qu'on puisse glorifier le Dieu de notre salut. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.